fort de sa vision celle de voir le règne de Dieu augmenter dans le cœur des étudiants, le Centre Universitaire Apostolique d'Abou Mekel CUA opère dans le monde étudiantin depuis le 19 mars 2006. Il est situé à Zobadje, cité La Victoire. Thème de l'année 2024 au CUA, crois au Seigneur Jésus, alors tu seras sauvé, toi et ta famille. Acte 16, verset 31. Le service de l'information et de la communication du CUA vous invite à suivre attentivement la prédication du dimanche 3 mars 2024. Orateur du jour, Cyril Laté. Alléluia. Praise the Lord. Je rends grâce à l'Éternel pour cette occasion qu'il nous donne de nous rapprocher encore de lui au travers de sa parole. Je bénis le Seigneur pour la vie de chacun de vous, la vie du dirigeant. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Parce que le Seigneur a prévu que nous soyons là ce matin. Parce que le Seigneur sait que tu seras là. Il a certainement prévu quelque chose pour toi. Et que sa volonté s'accomplisse dans ta vie. Amen. Le test de base de ces jours, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5 du 1er verset au 11e verset. Prions. Seigneur, nous sommes devant toi comme des petits enfants assis devant le grand-père pour écouter des histoires et en tirer des conseils. Abba Père, envoie ta lumière dans nos cœurs et que cette parole nous bénisse. Aide-nous à garder ces paroles et à en profiter pour nous préparer puissamment pour ton retour. Viens Seigneur et rends ta parole claire dans chaque cœur maintenant. Prends contrôle de tout. Au nom de Jésus, nous avons prié. 1 Thessaloniciens chapitre 5 du 1er au 11e verset. Ce texte qui vient d'être lu attire notre attention sur un événement qui se prépare. Un jour spécial à venir. Ce jour qui mettra fin à tout. C'est pourquoi je voudrais humblement titrer le sermon de ce matin, le jour du Seigneur, le jour du Seigneur. Et pour bien comprendre ce texte, nous allons le subdiviser en deux parties. La première partie partira du premier verset et va s'arrêter au troisième. Et on va l'intituler, le jour du Seigneur viendra inattendu. Veillons donc. Et la deuxième partie va englober les versets 4 au verset 11 que nous intitulons « Exhortation à la vigilance et à la sobriété ». Bien-aimés, vous savez que le personnage principal de l'existence, c'est Jésus-Christ. Et dans la Bible, l'Ancien comme le Nouveau Testament annonce sa venue en gloire. Alors qu'ici-bas, les choses suivent les coups tels que Dieu le veut. Un événement déterminant se prépare à l'horizon. C'est le jour de l'Éternel, le jour du Seigneur, qui commencera par une nuit de ténèbres, c'est-à-dire par un jugement sévère contre ceux qui n'auront pas fait sa volonté. Et il marquera la fin de l'usurpateur. Mais après la nuit, viendra la clarté du jour avec le millénium, quand Jésus-Christ sera couronné roi des rois et des seigneurs sur toute la planète. Ce jour viendra de façon inattendue et nous devons nous préparer à cela en tant que chrétiens. Dans le livre de Ésaïe, le chapitre 46, verset 10, Dieu nous a parlé au travers de la voix du prophète en disant « J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts susciteront et j'exécuterai toute ma volonté. » Et au verset 13 du verset 43 du même livre, il dit, « J'agirai, qui s'y opposera. » Alors, bien-aimé, cet événement, tant attendu que le Seigneur a annoncé depuis le commencement jusqu'à aujourd'hui, va arriver. Cet événement prévu va s'accomplir. Et cela va se passer de façon imprévue, de façon inattendue. Toi et moi qui sommes avertis, nous devons nous y préparer. Abordons le premier point de ce sermon qui englobe les trois premiers versets. Le jour du Seigneur, ce jour qui viendra de façon inattendue. Le jour du Seigneur viendra inattendu. Veillons. Nous avons déjà noté que le jour du Seigneur viendra à un signal et nous n'aurons pas un autre temps pour nous préparer à ça que le temps que nous avons aujourd'hui. Celui qui n'a pas eu le temps de se préparer au préalable n'aura pas autre temps pour se rattraper à quoi que ce soit. Et la Bible nous dit ici, dans ces trois premiers versets, que nous ne pouvons pas connaître l'année, le mois, la date, ni l'heure exacte de cet événement. Le Seigneur avait déjà averti ses disciples. Lorsque les disciples lui demandaient comment ça va se passer, il dit, ce n'est pas à vous de savoir ces choses. Il a répondu en disant, il ne vous appartient pas de chercher à connaître le temps où ces événements vont arriver. Donc, ce qui est de notre ressort, c'est de tenir compte de ces conseils et de nous préparer à cet événement. Il nous a déjà dit que nous ne connaissons pas l'heure, nous ne connaissons pas le moment que nous devons nous préparer à ça. Et par conséquent, ce que nous devons faire, c'est de veiller, c'est d'être sur nos gardes, c'est d'être prêt, c'est d'être préparé pour n'importe quel moment, c'est de savoir que la trompette peut sonner à n'importe quel moment. Bien-aimés, il ne faudrait pas que nous puissions dire, comme les gens du monde, que ce n'est pas encore le moment. Cet événement est annoncé il y a longtemps et que jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore là. Cela voudra dire que Jésus n'est pas prêt pour être là. Il ne faudrait pas qu'on dise ça. Ce serait insensé de notre part d'écouter la parole de Dieu et de se laisser surprendre par cet événement. Alléluia. Le voleur vient au moment où on s'attend moins. Le voleur vient au moment inattendu où le propriétaire n'est pas prêt peut-être. Le propriétaire est en train de dormir, somnolé. Il faudrait pas qu'on soit surpris par cet événement. Au moment où les hommes disent le monde est toujours comme il a été. Au moment où les hommes disent tout est pareil, rien ne change. Le Seigneur ne semble pas vouloir revenir maintenant. C'est bien en ce moment-là que le Seigneur pourra surprendre. Amen. Et les quelques signes que le Seigneur nous a annoncés, qui sont des signes indicateurs de cet événement, nous pouvons les voir autour de nous aujourd'hui. Les guerres, les catastrophes, les inondations et autres choses naturelles. Nous pouvons voir tous ces signes autour de nous aujourd'hui. Alors nous qui sommes avertis, nous devons être prêts pour cet événement. Nous voyons des choses qui se passent et qui montrent que le monde tire doucement et sûrement vers sa fin. Alléluia. Mais le Seigneur nous a dit que nous ne pouvons pas savoir, nous, la date exacte. Nous ne pouvons pas savoir l'heure où il reviendra. Donc, nous devons être éveillés. Nous devons garder l'éveil constamment. Les apôtres, comme vous le savez, en leur temps, veillaient constamment. Et ils ont pris l'avertissement du Seigneur au sérieux. De telle sorte que ils se comportaient comme le Seigneur allait revenir à leur époque. Je dis quelques années ou quelques temps après que le Seigneur soit monté au ciel devant eux, que le Seigneur reviendra. Ils s'attendaient à ça. Ils se comportaient comme si le Seigneur devait être là à leur époque. Et c'est de cette manière que le Seigneur nous demande de vivre. Et c'est cette manière de vivre, de veiller que le Seigneur nous demande au travers de la Bible. De maintenir la garde et de marcher à travers la lumière de la parole de Dieu. De combattre le bon combat et de garder la foi jusqu'au bout. À marcher à la lumière de la parole de Dieu. Amen. C'est la même chose que nous devons suivre comme ce que les apôtres ont fait. Garder la veille constamment. Savoir que d'un temps à l'autre, la trompette peut sonner. Si nous ne voulons pas nous laisser surprendre par cet événement. Amen. Il dit, les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Le monde vit tout comme si tout est à l'état, comme si tout allait continuer comme cela se fait aujourd'hui. On peut toujours faire des projections, on peut toujours faire des planifications sur des années, planifier des projets sur 10 ans, 20 ans, 50 ans, même 100 ans. T'aimes bien de le faire. Mais en le faisant, nous devons nous comporter comme si le Seigneur allait venir tout à l'heure, d'un jour à l'autre. Même si nous faisons des planifications pour mieux vivre, nous devons savoir ça. Nous, dans notre comportement, nous devons vivre comme si le Seigneur allait venir d'un temps à l'autre. Quand les gens diront paix et sécurité, quand les gens trouveront que les temps sont bons pour bien se reposer, bien se relaxer, bien jouir de la vie, c'est en ce moment qu'une ruine soudaine fondra sur eux. Ce qui est dommage aujourd'hui dans nos églises, c'est qu'on parle très peu du retour du Seigneur. C'est qu'on prépare très peu les chrétiens à ce grand événement qui va venir. Pourtant, c'est ce à quoi nous devons s'attendre en tant que chrétiens. C'est ce que nous ne devons pas rater dans la vie. Nous devons régler nos pensées par rapport à ce retour, par rapport à cet événement tant annoncé par la parole de Dieu. Si après avoir reçu Christ, bien-aimé, nous ratons encore l'événement de notre foi, sachez que notre foi aurait été vaine. Nous devons veiller et suivre les conseils bibliques qui nous maintiennent dans la lumière de Dieu. La Bible dit « Une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. » Vous voyez, les douleurs de l'enfantement, ce n'est pas la femme qui les programme. Cela la surprend. Elle peut être au champ, comme au marché, tout comme elle peut être à l'église. Amen. Le 10 ans, je me rappelle de l'un de mes enfants, où on est venu à l'église, on a bien dansé, et en rentrant, elle me dit, il semble que je sens quelque chose. Et c'était vraiment le jour. On ne s'était pas préparé à ça. Ne nous laissons pas surprendre par ce jour. Même si aujourd'hui, l'évolution de la médecine, avec cette évolution, on peut prévoir plus ou moins à quelle période l'enfant peut venir, mais le moment précis, c'est pas la femme qui décide. C'est pas la femme qui prévoit ça. Le moment précis, elle est surprise de ça. Ce n'est pas elle qui déclenche les choses. Elle est surprise. Et quand ça arrive, elle ne peut pas se maîtriser. Elle ne peut pas contrôler cela. Cela, ce événement doit se passer. Donc, bien-aimé, c'est de cette manière que le Seigneur viendra au moment où personne ne s'y attend. Et personne n'aura le contrôle sur ces événements qui vont arriver. Personne ne pourra dire, il faut que j'aille régler telle chose, ou régler tel point, ou me corriger de telle chose, avant de me mettre à la disposition du Seigneur. Pour le faire, pour te mettre à la disposition du Seigneur, c'est le moment. Personne ne dira, permettez-moi d'aller faire telle chose. Tu ne pourras même pas dire, j'ai oublié mon téléphone, j'ai oublié un papier, mon calepin, que je dois aller chercher. C'est impossible. Tu ne pourras pas dire, permettez-moi d'aller faire telle ou telle chose avant de me mettre à la disposition du Seigneur. Quand le signal sera là, c'est que tout est à l'arrêt et l'événement va commencer à se dérouler comme le Seigneur a prévu. Bien-aimé, cet événement sera une surprise et personne ne pourra rien pour l'arrêter et personne ne pourra rien contre ça. Bien-aimé, il ne faut pas négliger les conseils de la Bible, les conseils de l'Éternel. La Bible dit que personne n'y échappera. Amen. Alors ma question pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis, est-ce que tu vas continuer à vivre les œuvres de la chair pour être surpris par cet événement, pour être surpris par ce jour? Si malgré la pluie, malgré tout ce qui se passe, tu as pu braver la nature jusqu'à être ici à l'heure là, est-ce que tu pourras encore te laisser surprendre par ce grand jour, ce grand événement qui se prépare à l'horizon? Ou bien, tu vas abandonner la vie à l'image de ceux qui ne connaissent pas Christ et vivre à la lumière de la parole de Dieu pour espérer cet événement que le Seigneur nous y aide. Cette question, la réponse est personnelle. C'est un choix de continuer à vivre comme le monde le fait, à l'image de ceux qui ne connaissent pas Christ, et de te laisser surprendre par ce grand événement, que de dire, je choisis de vivre comme Christ, je choisis de vivre selon les conseils de la Bible, pour ne pas être surpris par ce grand événement qui va venir. Alléluia. Nous pouvons aborder rapidement le second point du sermon, qui part du verset 4, au verset 11. Exhortation à la vigilance et à la sobriété. Du verset 4 au verset 11. Le verset 4 commence en disant, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprennent comme un voleur. Mais vous, frères, l'apôtre Paul parle aux frères et non aux gens, et non à tout le monde. Mais vous, frères, l'apôtre Paul nous parle. Nous, qui sommes ses frères. L'apôtre Paul, quand l'apôtre parle des frères, c'est qui? Les frères de l'apôtre, c'est ceux qui partagent la même expérience que lui. Ceux qui sont conscients et qui se préparent à ce grand événement dont nous parle la Bible aujourd'hui. Ceux qui ne vivent pas dans les ténèbres, il dit, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Donc vous et moi, nous ne sommes pas dans les ténèbres. Amen. Les gens du monde peuvent être surpris. Beaucoup ne savent pas que le monde a une fin. Non. Beaucoup ne savent pas que le monde va doucement à sa fin. Beaucoup ignorent qu'il y a un grand événement qui va se passer pour mettre fin à tout. Mais toi et moi, nous qui sommes des chrétiens, nous qui sommes ici, nous qui avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, nous sommes déjà avertis que le Seigneur revient et surtout qu'il reviendra comme un voleur. Il reviendra de façon inattendue. Alors, nous n'avons aucune raison ou aucune excuse de vivre dans la négligence ou dans l'insouciance comme le font les gens de ce monde. Nous ne sommes pas dans les ténèbres. Nous savons que le Seigneur va revenir. Nous sommes avertis. Le Seigneur nous a avertis et nous a donné plus de détails. Nous les frères. Amen. Paul dit aux Thessaloniciens qu'ils savent bien cela. Et il dit au premier verset, ils n'ont pas besoin qu'on les écrive à ce sujet. Car ils savent bien cela. Ils sont bien avertis. Ils savent bien que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ces gens ont été bien informés comme toi et moi. Alors comme Paul, je pense que nous qui sommes présents ici, que le jour du Seigneur va venir de façon inattendue. Je pense que nous savons tous que le Seigneur viendra comme un voleur. Nous qui sommes ici, ou vous qui nous écoutez en différé, je pense que nous sommes conscients que nous savons ces détails, que le Seigneur va revenir. Je pense que nous sommes conscients qu'il ne nous donnera pas un autre signal, qu'il ne nous donnera pas un autre avertissement que ce que nous écoutons dans sa parole. Alors si nous le savons, alors comment est notre attitude si nous le savons? Comment nous menons nos vies quand il dit, vous ne savez ni le jour ni l'heure? Il dit, ce serait un événement de surprise. Comment nous nous comportons? Est-ce que nous prenons les avertissements du Seigneur au sérieux comme les apôtres l'ont fait? Ils ont gardé la veille constamment sur chacun jusqu'à la fin de ces jours. Comment nous nous comportons? Nous avons été éclairés par la parole de Dieu à plusieurs reprises. Le Seigneur nous a avertis qu'il reviendra. Il reviendra. Alors, quand on est averti, on ne doit plus se laisser surprendre par cet événement. Quand on est averti, on ne se laisse plus faire. L'apôtre dit, mais nous sommes de la lumière. La lumière dont parle le Seigneur signifie que nous sommes constamment informés. Nous sommes bien informés. Nous sommes éclairés. La lumière suppose que les choses ne nous sont pas cachées. Nous sommes avertis. Le Seigneur nous a dévoilé son plan. Ce qu'il a l'intention de faire dans l'avenir et comment il va le faire. Ça suppose que nous ne sommes pas dans l'ignorance. Nous ne sommes plus dans les ténèbres, nous. Par conséquent, la vie que nous sommes censés de mener ne doit plus être une vie de ténèbres. Ce n'est pas une vie de péché. Ce n'est pas une vie qui fait honte. Une vie avec des actes qu'on ne peut exposer sans en être fier. Nous sommes des enfants de la lumière. Et au verset 5, il continue en disant, vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit, ni des ténèbres. Bien-aimés, nous devons savoir que nous ne sommes pas des ténèbres si nous écoutons la parole de Dieu. Si nous sommes des chrétiens, nous ne sommes plus des ténèbres. Il y a une vie que le Seigneur attend de nous quand il annonce ces événements. C'est la vie de la lumière. Notre vie doit être une vie qui ne garde pas l'iniquité, qui ne vit pas dans les ténèbres. Dans Éphésiens 5, le verset 8, la Bible dit, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Il dit, marchez comme des enfants de la lumière. Un enfant de lumière ne doit pas marcher dans l'iniquité. Un enfant de lumière ne doit pas mener une vie de péché, mais plutôt, un enfant de lumière doit vivre une vie de sanctification, une vie pure, la vie qui convient à un enfant de jour. Un enfant qui a des comportements qui ne fait pas honte. Un enfant dont on peut dire non, celui-là craint Dieu. Celui-là est vraiment chrétien. C'est une vie où il n'y a rien de caché qui fait honte. Rien de mauvais. Une vie où tout peut être exposé à tout moment. C'est à cela que le Seigneur nous appelle, nous, enfants de lumière. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Nous voyons ici le contraste que l'apôtre établit entre les autres et nous, qui sommes chrétiens. Ceux qui sont du monde et nous. Il dit, mais vous, les autres ne savent pas. Ils sont dans l'ignorance. Ils vivent dans le péché. Ils sont soumis aux princes de ce monde. Ils suivent le courant de ce monde. Mais vous, bien-aimé, est-ce que tu fais partie de ce « mais vous-là » Quand l'apôtre dit « mais vous », est-ce que tu fais partie de ce groupe de personnes ?« Mais vous », une opposition, un contraste par rapport à ce que l'on voit les autres faire. « Mais vous ». Les autres vivent dans les ténèbres. Les autres vivent dans le péché. Les autres pratiquent constamment le péché. Mais vous devez avoir une vie opposée à celle que mènent les gens de ce monde. Bref, très chers amis, nous avons à vivre une vie séparée du péché. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Une vie de sanctification. L'apôtre dit, mais vous, est-ce que toi tu fais partie de ce mais vous-là? De ce vous dont l'apôtre parle. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres.